بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق نبخضن دارني كور le chapitre qui était relatif à la fadl al-istighfar, la faveur de l'istighfar. Wa dhakara fi dhalika al-hadith hadith Abdullah ibn Busr radiyallahu an qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathiran. On a pu voir qu'à travers cela on a un exemple qui est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, celui dont Allah azza wa jalla a pardonné ses péchés, et malgré cela il demandait le pardon plus de 70 fois dans la journée. فلنا قدوة فيه لنا أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا un grand exemple à travers le prophète عليه الصلاة والسلام dans l'istighfar. On a pu évoquer qu'est-ce que l'istighfar et la différence qu'il y a avec la tawbah. La tawbah, lorsqu'elle est liée avec l'istighfar, la tawbah elle aura plus la notion de demander la protection des péchés à venir, et à l'istighfar ce sera de demander la protection contre les péchés qui sont passés, ou les péchés qui sont présents. Ça, c'est parmi les différences entre l'istighfar wa tawbah. Wa illa al-istighfar wa tawbah, comme qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tous les deux ont à peu près le même sens. Ce sont un peu des synonymes. C'est un peu comme l'islam wa l'iman, idha ijtama'a tafarraqa wa idha tafarraqa ijtama'a. Lorsqu'ils sont réunis, chacun aura un sens particulier, et lorsqu'ils seront séparés, ça sera des synonymes. Fa tawbah, elle est liée aux trois temps. Au passé, parce que tu regrettes ce que tu as fait, c'est la bout d'amine, comme on a pu voir, ça fait partie des shurut. Le présent, parce qu'il t'est demandé d'interrompre sur le champ immédiatement ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle al-iqla'. Et le futur qui est al-azim al-annahu la yarud, qu'il a la ferme volonté de ne plus revenir sur ce péché-là. Fa at-tawba tashmal al-zaman al-thalatha. Tandis que l'istighfar, c'est propre au passé et au présent. تمقى رحمه الله تعالى الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة حديث مختصر مفيد جدا la dua implorer الله عز وجل son imploration c'est la عبادة أولا ما هو الدعاء العلماء ils ont évoqué que la dua تنقسم إلى قسمين elle se divise en deux دعاء مسألة ودعاء عبادة. Dua mas'ala, c'est-à-dire de demander à Allah Azza wa Jal par le biais de la langue. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni, Allahumma afini, Allahumma shfini. D'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs. C'est ce qu'on appelle dua mas'ala, c'est-à-dire qu'il demande par le biais de sa langue, il lève les mains, ma'ruf. Dua ou ibada, deuxième catégorie, dua ibada, c'est-à-dire la dua des membres. Kazalika les membres, ils font dua. La dua des membres, c'est le fait qu'ils sont dévoués à Allah Azza wa Jal en toute sincérité. Qu'ils se soumettent à Allah Azza wa Jal dans l'ibada. Fait nos membres, kazalika, ils ont un langage. Nos membres, kazalika, ils ont un langage. Et ce langage-là, dans la dua, c'est le fait qu'ils soient dévoués à Allah Azza wa Jal en toute sincérité. Fait na'am, la salat, c'est une dua. Ou la zakat, c'est une dua. والصيام c'est une dua, والحج c'est une dua, et autre parmi les ibadats, ce sont des dua. Car quelle est la chose recherchée à travers ces adorations? Qu'espérons-nous à travers ces actes et ces mouvements? N'est-ce pas le paradis et le refuge contre l'enfer? Voilà. N'est-ce pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et l'abri contre sa colère? Voilà. Fa'idhan, nos membres, à travers cela, c'est comme si jamais ils demandaient à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on fait le recours, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie la nuit, lorsqu'on fait le hajj, nos membres, ils recherchent à travers cela le paradis et le refuge contre l'enfer. C'est comme si nos membres disaient « Allah, accorde-moi le paradis et préserve-moi de l'enfer. » Ton œuvre, ton acte, il est en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu recherches à travers cela qu'Allah azza wa jal t'accepte. فهذا هو الدعاء ينقسم إلى قسمين عبادة ودعاء مسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء par ces deux catégories هو العبادة. الدعاء هو العبادة. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأن الدعاء سر ركن العبادة. الدعاء سر ركن العبادة c'est le pilier de chaque عبادة comme on a pu le voir. Parce que tu ne peux adorer Allah عز وجل sans l'implorer. Comme on a pu voir, soit par la langue, par la demande, ou soit par les membres, en demandant à travers Allah qu'Allah Azzawajal l'accepte. C'est pour ça que c'est al-ibada. L'anna, il n'y a pas d'ibada qui est exempt d'une dua. Que ce soit la dua de la langue, al-lisan, ou bien dua al-jawarih, les membres. Qala ba'duhum li'annahu mu'azam al-ibada. Car il est, al-dua, il est retrouvé dans la majorité des ibadats. C'est pour ça que le Nabi Sallam, il a dit, الدُعَاء هو العبادة car il est retrouvé dans la majorité des عبادات وقال بعدهم لأنه أشرف العبادات النبي صلى الله عليه وسلم الدُعَاء هو العبادة car c'est la plus noble des عبادات car à travers cela العبد il laisse apparaître son impotence il laisse apparaître sa nécessité il laisse apparaître l'humilité il laisse apparaître le grand besoin qu'il a envers Allah عز وجل. فسن عبادك شريفة جدا parce qu'elle montre la pauvreté et l'humilité de l'abd amam Allah azza wa jalla il sait qu'il a un seigneur qui écoute qu'il a un seigneur qui le voit qu'il a un seigneur qui exauce cette dua yani فيه من المحبات dans entre la dua et son seigneur son cœur est lié à Allah azza wa jalla c'est une عبادك عظيمة جدا si on venait à expliquer ce hadith là ça prendrait du temps parce que في الحقيقة يجتمع فيها أشياء كثيرة من الرهبة l'espérance الرهبة la crainte التوكل il sait que tout est entre les mains d'Allah عز وجل فإلا une forte croyance dans الربوبية فسي une عبادة جدا يعني عظيمة جدا شريفة جدا parce qu'on trouve dedans des grandes valeurs parmi les عبادات comme l'espérance la peur le fait de reconnaître yani, qu'on est faible, qu'on a besoin d'Allah. Fait, ce sont des choses qu'Allah aime et agrée. Ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les aime et les agrée. فَقَالَ الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَةِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah Azza wa Jal nous invite à ce qu'on lui demande. Parce que subhanahu wa ta'ala yani ma biyadihi la yanfad ma indakum yanfad wa ma indallahi baq Allah azza wa jalla ce qu'il donne ça diminue pas illa kama yadkhulu ahadukum yadahu fil yam falyanzur bima yarja Allah azza wa jalla ce qu'il donne une chose ça diminue pas huwa al-ghani jalla wa ala huwa al-ghani jalla jalaluhu faqala ud'uni ibnuduni yuridu Allah bikum al-yusra il veut pour nous la facilité. Et parmi les babs de la facilité, c'est qu'on l'implore. Kathalika anifi awakhir al-layl. Dans les derniers tiers de la nuit, il dit Hal min mustaghfirin. Il appelle les gens à ce qu'ils se lèvent. Hal min da'in, hal min sa'il, hal min mustaghfir. Allah Azza wa Jal, il veut donner. Allah Azza wa Jal, il est bon. Bal yadahu mabasutatan yunfiqu kayfa yasha. Jalla jalaluhu. Wa qala rabbukum udu'uni. Ta'alu ila bab al-du'a. Ta'alu ila bab al-rahmati. On a juste à venir hal min mustajib faqat. Est-ce que nos cœurs sont là pour comprendre cela et répondre? Ça c'est notre histoire. Faqala jalla wa ala innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam al-dakhirin. Tatim al-aya. La suite de l'aya c'est ça. Et ceux qui montrent de l'orgueil face à ma ibada qui est la dua, ils rentreront en enfer humiliés. Ils rentreront en enfer humiliés. Wa hawana on remarque Allah azza wa jalla il l'a pas dit ceux qui délaissent la dua, yastakbir, il a dit. Celui qui fait preuve d'orgueil. On remarque ici, Allah Azza wa Jalla a employé le terme orgueil. Il n'a pas dit ceux qui délaissent. Il n'a pas dit ceux qui renoncent à l'imploration. Tout ça pour nous montrer que celui qui se détourne de l'imploration de la dua, c'est un orgueilleux. Qu'il le veuille ou non. Celui qui délaisse la dua, c'est de l'orgueil. كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي car délaisser la dua qu'on le veuille ou non ça implique ceci c'est-à-dire c'est de l'orgueil pourquoi parce que l'humanité entière à dépendre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'humanité entière est pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous prive de l'air, personne ne vit. فَالْإِنسَانِ إِلَا بِحَاجَ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque moment, à chaque instant. Et puis celui-là, il se détourne de l'appel d'Allah عز وجل, de son invitation. وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Comme si jamais il était riche, comme si jamais il était dans la suffisance. فَالْإِنسَانِ مَهْمَ كَانْ. Qu'il soit riche ou pauvre, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le voir à travers juste le coronavirus. Un microbe qui est invisible, qui a mis chaos presque toute l'univers. Ça nous montre que l'insan il a bihaja ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, apparents, dissimulés. Fa l'insan il a besoin d'Allah, jalla wa ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala kama qal, wallahu ghani wa antumul fuqara. Wa kadhalika fi l'ayat al-thaniya, ya ayyuha an-nas antumul fuqara ila Allah. Ou vous les gens, vous êtes les nécessiteux. Celui qui délaisse la dua, il est semblable kama qala ba'duhum à une personne qui est besogneux, qui est vraiment dans la pauvreté extrême, sur le point de mourir. Il a besoin de l'aide. Et une personne vient, un muhsin lui dit, tiens, ceci est pour toi, j'habite pas loin de chez toi, ou je suis là, si tu as besoin de moi, tu as déjà ça, si tu as besoin de moi, tu viens et je te donne tout ce que tu souhaites. Est-ce que la réponse de cette personne-là, ça va être, non, j'ai pas besoin? Est-ce que la réponse de cette personne-là sera de se détourner? Si jamais il le fait, les gens diront que cette personne-là, c'est un hautain. Il a de l'orgueil parce que t'as besoin. Et t'as pas d'autre échappatoire que de prendre cette solution-là. Et malgré cela, tu t'en détournes. Comme si t'étais dans la suffisance, alors que tu es sur le point de partir et de mourir. Si jamais tu prends pas l'aide de cette personne-là qui t'a tendu la main. Enfin, ces personnes-là vont dire, celui-là, il y en a... Ça fait hanaf ça. C'est quelqu'un qui est idiot. Il connaît pas sa maslaha. Il connaît pas ses profits, ses avantages. Comment peut-il délaisser cela? Alors qu'il n'a pas d'autre échappatoire que cela. Fahada kazalik. Celui qui délaisse d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dans une nécessité qui est beaucoup plus grande que l'exemple qu'on vient de citer. Parce que là, c'est soit l'enfer ou soit le jannah. Et s'il se détourne d'Allah azza wa jal, enfin, ça c'est de la safa. C'est de la safa. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Parce que c'est que du khair, c'est du tawhid. C'est pour ton bien. Kadhalika hadha, c'est pour ton bien. Allah azza wa jal t'invite à l'implorer et toi tu réponds pas et ou plutôt tu ne demandes rien du tout. Fa qala subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna jahannam mutaakhirin. Le jaza de cette personne là qui se détourne alors qu'il est dans le besoin et qu'il n'a pas d'autre échappatoire que cela, c'est l'enfer. Et il sera humilié. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'autain, il a fait l'orgueilleux. Comme si jamais il n'était pas dans le besoin. Alors qu'il a besoin d'Allah. Soit l'enfer, soit le jannah. Et il dit un hadith, عند l'imam muslim, rahimahullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Al-Nabi sallam, il a cité trois catégories dont Allah Azza wa Jal ne va pas leur adresser la parole yawm al-qiyamah. Il ne va pas les purifier et il ne va pas les regarder jalla wa ala. Et ils auront un châtiment avélissant. قَالَ شَيْخٌ زَانٍ. Une personne qui est vieux, un vieillard. Mais malgré cela, il fait la fornication. يَزْنِ. Il n'a plus les shahawat, il n'a plus ce désir ardent. وَمَا ذَلِكَ, tu le vois en train encore de faire cette fahisha. قَالَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ. Il a tout, c'est lui le roi. Il a toutes les richesses. Donc il n'a pas besoin de mentir pour s'accaparer un bien ou ceci, cela. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'autorité. Donc il y a un roi qui ment, il n'est pas dans le besoin de faire cela. قَالَ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. Un pauvre, un besogneux qui est hautain. Qui fait comme si jamais il était dans la suffisance, il était riche alors qu'il est dans la pauvreté totale. Enfin, Allah Azza wa Jalla, il a promis à ces personnes-là, illa an yatadarakahu subhanahu wa ta'ala bi rahma, qui vont subir un châtiment qui est avélissant. Et kazalika hahuna, celui qui se détourne de dua, alors qu'il nécessite d'Allah Azza wa Jalla, un miskin, comme on dit Jalla wa Ala, antumul fuqara, il se détourne d'Allah Azza wa Jalla, fahada mustakbir. Allah Azzadel a promis que ces personnes-là seront châtiées d'un châtiment avélissant et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les purifier, ni les regarder, ni leur adresser la parole. فَكَذَلِكَ الَّذِي يُعْرِدْ عَنِ الدُّعَى alors qu'il est pauvre. Il a besoin, il fait comme s'il était dans l'insuffisance. Ce châtiment-là aussi, كَذَلِكَ il est avisé à ces personnes-là. قَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ comme on peut le voir ici. عَائِلٌ مُسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِ عَنْ دُعَائِ que ce soit بِاللِّسَانِ ou bien par les membres, et c'est encore beaucoup plus grand. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ils seront humiliés. وَجَا فِي الْحَدِيثِ عند الإمام أحمد et autres que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب الله عليه celui qui ne demande pas à Allah Azza wa Jal, celui qui ne l'implore pas, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui. وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرَكَ si jamais Allah Azza wa Jal il est en colère contre toi, qui est-ce qui va te faire miséricorde? Qui est-ce qui va te protéger en dehors d'Allah Azza wa Jal s'il est en colère contre toi? Allah sera en colère contre toi le jour où tu vas le rencontrer. Quelle miséricorde espères-tu en ce jour-là? Enfin, celui qui délaisse Ad-Dua, Allah Azza wa Jal n'aime pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est en train de délaisser ma hu akram alayh. C'est comme s'il était dans la suffisance, yani. J'ai pas besoin de toi, comme si c'était dit cela. C'est comme si c'était ces portes-là qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre, les portes de sa miséricorde, les portes de sa faveur, et c'est comme s'il est claqué. J'ai pas besoin. فَيَرْضَبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى parce que ça c'est du kibr, c'est de l'orgueil. Il a délaissé ce qui est plus na'am honorable pour lui. كَمَا جَا فِي الْحَدِيثِ لَا شَيْ أَكْرَمْ مِنَ الدُّعَى il n'y a pas une chose beaucoup plus honorable que la dua. Allah Azza wa Jal يُكْرِمْ عِبَادَهُ بِهِ Allah subhanahu wa ta'ala nous fait honneur avec la dua. Il nous donne ce qu'on lui demande جَلَّ وَعَالَى بِشَرْط qu'on fasse nous aussi kadalika ce qu'il demande. Fa hadha aibun 'ala al-insan. Aibun 'ala al-insan, comme on a pu voir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, lakin il faut quand même il remplisse ces conditions comme on a pu voir. Al-ikhlas, al-mutaba'a, tadarru', khufya, rahba, raghba, al-yaqin. Tout ce qu'on a pu voir au début du cours, ça s'applique à hona. Tu demandes, tu t'en détends pas, lakin tu fais pas les causes aussi pour que tu sois exaucé. نعم قال رحمه الله تعالى قال الدعاء على إحدى ثلاث. C'est-à-dire une الاستجابة. La requête elle est à travers trois choses. On a pu le voir ça aussi كذلك كان c'est même باب المراجعة. وكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره c'est beaucoup de مراجعة, beaucoup de choses qui se répètent. مثاني مثاني c'est-à-dire celui qui se répète. Et plus ça se répète et plus ça c'est ancré dans ta tête. قال باب الدعاء على إحدى الثلاث et par rapport à l'exaucement lorsque tu feras le dua tu seras récompensé et exaucé si jamais tu as ramené les conditions et tu étais écarté des choses qui sont des remparts des transgressions dans la dua Allah عز وجل va te donner une de ces trois choses là قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يسرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر الحديث il est rapporté par c'est Ahmed نعم rapporté par l'imam Ahmed رحمه الله et authentifié par Cheikh Mokbel et كذلك Cheikh Al-Albani رحمة الله عليهما de ce hadith authentique le prophète عليه الصلاة والسلام nous informe qu'il n'y a pas un musulman qui invoque d'une invocation qui ne contient ni de péché et ni de rupture des liens de parenté. Comme on a pu voir, ça fait partie de l'irtida, ça fait partie de la transgression dans la dua, que tu oses lever tes mains aux cieux vers Allah Azza wa Jal et tu ne t'es pas purifié de tes péchés. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réponde et toi tu fais la sourde oreille lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle à répondre. À son appel, t'appelles à répondre à la prière, t'appelles à répondre au siyam, et toi tu fais la sourde oreille. Et ensuite tu veux qu'on t'écoute et que Allah Azza wa Jal t'exauce lorsque tu lui demandes. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. Tu veux qu'on te réponde كذلك أنت, il faut que tu répondes. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et son messager lorsqu'il vous appelle aux choses qui donnent vie à vos cœurs. Enfin, il faut que l'insan il s'écarte des choses qui vont être un rempart entre lui et ce doua, entre lui et la chose dont Allah Azza wa Jal a évoqué comme étant la plus honorable des choses qu'il a doua. قال ما من مسلم يدعو بدعوة. Il n'y a pas un musulman qui invoque une invocation qui ne contient ni péché ni rupture des liens de parenté. Ça c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il demande à Allah, mais yastahi, yani. Ma yastahi. Il demande à Allah Azza wa Jal de rompre les liens pour entrer entre lui et sa mère. Fahada c'est avun jiddan. Hada qillat al-haya. Ça c'est une personne qui a un gramme, un atome de pudeur dans son cœur. Oser lever les mains aux cieux et demander le haram. Sallallahu alayhi wa sallam. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afina min dhalik. Qu'Allah nous en préserve. Qala sans qu'Allah lui donne l'une des trois choses. Soit son invocation sera exaucée directement. C'est-à-dire, il aura ce qu'il a demandé. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve cette récompense et l'exaucement dans l'au-delà. Et ça, c'est bien meilleur. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Parce que c'est un bien qui sera éternel. Tandis que la chose dont Allah Azza wa Jalla va exaucer dans la vie d'ici-bas, c'est éphémère. Excepté s'il prend cette chose-là et il la sujettit dans l'agrément d'Allah et dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Il va retrouver les simars de la fuite yawm al-qiyama. Lakin, ce qui est réservé pour lui yawm al-qiyama, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus durable. Ben, c'est éternel. Qala aw, ou sinon, il l'écarte de lui un mal équivalent. Donc c'est pour ça même on s'était rappelé yustajab li ahadikum ma lam yaqul ma lam yasta'jil yaqul da'awtu da'atu falam yustajab li. Allah Azza wa Jalla ne cessera de vous exaucer excepté à partir du moment où vous allez avoir de la précipitation. Vous allez dire j'ai demandé et je vois qu'on m'a pas répondu. Ça c'est une personne qui déjà awwalan il a pas une thiqa billah. Pas une confiance envers son Seigneur. Allah, il a dit, je vais vous donner. وَقَالَ رَبَّكُمْ وَدُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et ensuite, tu dis, Allah ne me donne pas. Allah, لَا يَخْلَفُ الْمِحَادِ. Lakin, regarde-toi directement. Ça, c'est... Subhanallah, yani, ils voient le mal chez les autres et pas chez eux. Regarde-toi, أولاً. Regarde tes ribalettes, regarde tes transactions, regarde ton comportement, ton attitude envers les autres. Au lieu de jeter directement la faute sur l'autre. On ne m'a pas répondu, mais regarde-toi, أولاً. C'est toi le problème, peut-être, et c'est sûr. Ou c'est une personne yajhal. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'exaucement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. L'exaucement, ce n'est pas seulement le simple fait qu'il te donne ce que tu as demandé. Il demande, mathalan, qu'Allah lui facilite la hijra vers un balad. Ça n'a pas été fait. Il dit, on ne m'a pas répondu. Awalan, regarde. Il se peut que Allah Azza wa Jalla t'a épargné d'un mal qui était aussi grand que la demande que tu as demandé qui est Al-Hijra. Ou Allah Azza wa Jal veut yani te réserver ce bien-là fil akhira. Il n'a pas la possibilité de... Il n'a pas les sous, il n'a rien. Comme déjà fil ayah. Kunna mustadafina fil ard. Il demande les asbab pour pouvoir faire. Et il ne les voit pas. Fait Allah Azza wa Jal, il t'a réservé ces choses-là fil akhira. C'est comme ça qu'on doit positiver et penser. Parce que c'est comme ça qu'est venu le hadith. Et parmi les conditions de l'attestation que Mohammed est le messager, tasdiquhu fima akhbar. De rendre véridique ce qui est authentifié de sa sunna. Et ça, c'est un hadith qui est authentique. Personne l'a jugé de faible. Donc il doit patienter. Il doit redemander. Il doit faire attention. Comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah. C'est comme un champ. Lorsque tu demandes, c'est comme si jamais tu es en train de vouloir planter une chose. Tu plantes une chose et demain tu reviens 10 ans après? Non. Tu regardes si jamais ça germe bien, est-ce que ça manque pas d'eau, est-ce que ça manque pas ceci et cela, c'est pareil pour la doha. Si jamais tu veux qu'elle germe un monde vers les cieux, fais kazalika, tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas des manquements? Tam. Hada huwa. Nasala thabat wa tawfiq. Thumma qalu, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont dit, idhan nukthir. Donc, yani, on va en faire encore beaucoup plus. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une de ces trois choses, donc il nous donne. Donc, autant en faire plus, qala Allahu akthar. Si vous faites plus, Allah va vous donner plus. Allahu akthar, et akthar istijabatan. Il va vous exaucer beaucoup plus. Il va multiplier l'exaucement. Allahu akthar et aktharu thawaban. Il va vous multiplier la récompense. Parce que du'a, c'est une ibada. Il y a des hasanats par rapport à cela. Enfin, il va augmenter ces hasanats-là. Plus tu fais, plus tu as de l'envie, du désir et de la crainte, plus Allah va te donner. Naam. قال رحمه الله قال باب فضل الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. Le mérite du rappel entre la prière du Fajr إلى طلوع الشمس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. الحديث إليه حديث حسن. نعم في صحيح للشيخ مقبل في صحيح للشيخ الألباني وكذلك في صحيح المسند للشيخ مقبل. الحديث الأباز إلى رابورتي باغ أبو داود رحمه الله تعالى. في صحيح حديث عظيم جدا. مع قوم يذكرون الله et les gens qui évoquent Allah et Azzawajal, ils sont dans les masajid. Et ça nous montre le méfait qu'il y a dans les calamités. Parmi ces méfaits-là, c'est qu'on est privé des masajid. Ahabbu al-biqa' ila Allah et Azzawajal. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on est privé. Le fait de marcher à la mosquée, tu prends des hasanat, il y a des péchés qui sont enlevés. Le fait que tu fasses le wudu à la maison, ensuite tu vas à la mosquée. Si jamais il fait de raka'a, sa prière va être acceptée et Allah Azzawajal va lui expier ses péchés. Il y a beaucoup de choses qui le fait qu'on rentre à chaque fois qu'on fait la dua. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا البلاء. وسكف الحقيقة لمساجد نمونك énormément. Énormément. فهي دي سنن كون بو بو فيغ. مع قوم يذكرون الله هاونا سي المساجد. وقد يكون كذلك سي جامي دون مثلا الله عز وجل lui a fait faveur d'une grande famille. Une famille qui est pieuse, qui implore Allah et Azzawajal et qui l'évoque le matin et le soir. Fahada, c'est être le fils. C'est être le fils. Et lorsqu'il s'assoit avec les gens, كما قال جل وعلا, واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريبون وجهه. Là, on comprend la ayah. Pourquoi Allah il nous demande de patienter? Parce qu'il y a une grande récompense. Et ma'ruf, yani, fadl de l'affranchissement. Dans le hadith muttafaq alayhi, il est dit que celui qui affranchit un esclave, Allah Azzawajal va affranchir chacun de ses membres de l'enfer. Chacun de ses membres de l'enfer. C'est pour ça qu'ils ont dit, celui qui affranchit un esclave, qu'il affranchit un esclave qui ne soit pas handicapé. Parce que si jamais sa main elle est handicapée, eh ben, la main de cette personne-là ne va pas rentrer dans l'affranchissement, si jamais ça se dit. Elle ne sera pas affranchie. Enfin, c'est un ajr qui est azim jiddan. Wahana, il a évoqué 4. Comme on a pu voir aussi auparavant. Que le fait de d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les gens qui l'évoquent, c'est bien plus grand que dépenser les biens de la vie d'ici-bas. Min infaq al-dhahab wal-fidda, comme il est venu dans le hadith, et c'est beaucoup plus grand que la dunya, beaucoup plus grand que le jihad fi sabilillah, comme il est dit le hadith, wa qala jalla wa ala wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Le baqiyat as-salihat, certains ont évoqué, c'est ad-du'a kadhalik. Et en fait, c'est toute œuvre qui perdure, dans lequel n'est pas entré Ar-Riya, l'ostentation. Tout œuvre qu'Allah Azzawajal a accepté, elle est bien meilleure auprès d'Allah, au niveau de la récompense, et kadhalika, elle suscite beaucoup plus d'espoir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillah, wa bi rahmatihi, fa bi dhalika falyafrahu. Huwa khayrun mimma yajma'un. C'est beaucoup plus grand que d'affranchir 4 esclaves. Khayrun mimma yajma'un. Et khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Et ce qu'il y a dans la dunya, il y a des esclaves. وقال سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر. Et le rappel d'Allah عز وجل est beaucoup plus grand que toute chose. قال رحمه الله قال الترغيب أو الترهيب من عدم الذكر في المجلس. La mise en garde contre le fait de ne pas évoquer Allah عز وجل dans les assises. Après avoir évoqué tous les bienfaits qu'il y a à travers cela, il nous met en garde. Et subhanallah, lorsque tu vois que la récompense d'Allah Azza wa Jal, elle est grande si jamais tu fais cette œuvre-là. Si tu la délaisses, le châtiment, kadhalika, il sera grand. Il sera chadid. Parce que c'est simple. Fil haqiqa, Le zikr, c'est quoi? C'est le fait de prononcer des choses. Donc c'est le fait de remuer sa langue. La langue, elle n'est pas lourde, elle est super légère. Walhamdulillah, la salive, c'est Allah qui nous la donne en plus. Il nous donne, il nous fournit la salive pour qu'on puisse faire le zikr. Il ne nous est pas demandé un effort d'aller à tel endroit ou faire ceci, cela, ou acheter ceci, cela. Non, juste de s'asseoir, d'invoquer Allah Azza wa Jalla avec humilité, avec tranquillité. C'est juste cela. Yaskur Allah Azza wa Jalla. Fa fil haqiqa, il faut faire attention lorsqu'on s'assoit. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. الحديث est rapporté par Abu Dawud, il est sahih. Il n'y a pas de groupe qui se lève d'une assise sans y avoir mentionné, évoqué le nom d'Allah Azza wa Jal, sans qu'il se lève d'un âne qui est mort. Tam jifa, c'est la bête qui est mort, himar. Tam une charogne yani naham. Et que ce soit un regret pour eux, ils vont le regretter. La chaque wala ribafi. Ya laytani qaddamtu li hayati. Oh hélas, yani hélas, si seulement j'avais fait les choses yani pour al-akhirah. Fait va voir la demeure qui lui aurait été réservée si jamais il aurait été assidu au dhikr. Fa'ana, il va être pris de regret. Ou encore pire, c'est celui qui n'a pas fait tawba de ces choses-là. Et il meurt avec ces péchés-là, parce qu'on va le voir, c'est des péchés. Incha azzabahu wa incha ghafarallahu, il a dit. Allah Azza wa Jal. Il est sous la mashia, sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie ou s'il veut, le pardonne. Donc si jamais ces personnes-là est morte et n'a pas fait tawba de ces choses-là, ça serait une hasra jiddan, parce que là, il est présenté au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, si Allah veut, lui, il le pardonne, et s'il veut, il le châtie. Et si Allah Azza wa Jalla le châtie, c'est l'humiliation. Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytah. Enfin, le simple fait qu'il est rentré dans cela, c'est dans le nar, c'est une humiliation. Alors, si on te dit de rentrer dans un bar où tu vois qu'il n'y a que des alcooliques avec la lihya et la routara, c'est une humiliation. Si jamais on te force à rentrer dedans, tu vas être gêné. Fakayfa bin nar. Nasallahu alayhi wa sallam. Qala fi riwayatin qala ma jalasa qawmun مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كذلك هذه الثابتة. فهنا il a dit à النبي صلى الله عليه وسلم, il n'y a pas de groupe qui se soit assis dans une assise sans y mentionner le nom d'Allah عز وجل et ni prier sur le prophète عليه الصلاة والسلام sans que ce soit pour eux un regret. Et ça, c'est un dalil qui nous montre que lorsque le nom du prophète عليه الصلاة والسلام il est évoqué, il faut prier sur lui. Ce hadith là nous montre que à la fin, si jamais il ne fait pas cela, il est châtié. Donc, si jamais il est châtié, c'est que c'était une erreur, c'était un péché. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne châtie que lorsque la personne a commis et perpétué un péché. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir. Ils ont reconnu leur tort et leur péché, malheur aux gens de l'enfer. قالوا في رواية ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة إن دخلوا الجنة لثواب. Il y a dans une autre version, sans que ce soit un regret pour eux, le jour de la résurrection, même s'ils rentrent au paradis, à cause d'une chose qu'ils ont perdue, la récompense qu'ils ont perdue. لثوابين فاتهم. C'est comme ça qu'on comprend la fin du hadith. حسرة, et ce sera un regret يوم القيامة pour eux, même si jamais ils rentrent au paradis, لثواب. Par rapport à une récompense, quoi, qu'ils ont perdue. Des degrés qui leur a loupé. Fakemakal. Ça sera une hasara, ça sera un regret. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce manquement qu'il a eu fasse pencher la balance aussi des péchés. Faman faqulat mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinuhu ayil hasana fa'ulaika alladhina khassiru anfusahum fi jahannam kalihun. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Il se peut que ce dhikr que tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, il te fasse rentrer au Jannah. Il fasse balancer, il fasse pencher les hasanat sur les sayyat. On ne sait pas comment on va mourir. On n'est pas garanti de rencontrer Allah Azza wa Jalla avec l'agrément d'Allah. Donc il faut mettre tous les asbab, toutes les causes pour qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et nous agrée. C'est pour ça qu'il a dit, ne méprisez pas le ma'ruf, le convenable. Wallo bishaqq al-tamra. Même si jamais c'est par la pellicule d'une tamra. Il ne faut pas mépriser le ma'ruf. On ne sait pas comment on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. قال رحمه الله تعالى كفارة المجلس قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فهذا كفارة المجلس. L'expression de l'assise. L'expression de l'assise. Lorsque tu finis une assise, tu la finis avec ces paroles-là. Que ce soit toi le prédicateur ou que tu entends et tu écoutes. قال من قال خيرا ختم له طابع على ذلك خير. S'il dit cela, Allah Azza wa Jalla va mettre un sceau sur ses œuvres. C'est-à-dire, ce sont des œuvres dont Allah Azza wa Jalla va garder. Inna la nudrihu ajra min ahsana amala. قال ومن قال شرا كنا له كفارا. Et si jamais il a dit du mal dans cette assise, volontairement ou bien par insouciance, inadvertance, ça sera une kafara. Ça fait partie des petits péchés. Car les grands péchés, il faut qu'il y ait la Buddha min tawba. La Buddha min tawba. Naam. Kama qala Allah Azza wa Jal. In tashtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyatikum. Si vous vous écartez des grands péchés, on va vous expier vos petits péchés. Enfin, si jamais il y a les grands péchés, les petits péchés ne sont pas expiés. Et à savoir que ce hadith-là, il est évoqué كذلك يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est que lorsqu'il finissait le Coran, lorsqu'il finissait de lire le Coran, il disait cette dua là: Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Amma al-yawm qu'est-ce qu'ils disent? Sadaqa Allah al-azim. Fa ça c'est subhanallah la parole des ulama qu'ils ont dit, il y a pas une personne qui met en avant une bid'a sans que ce soit la mort d'une sunna. Trouve-moi des personnes qui, lorsqu'ils finissent leur lecture, disent Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Soit c'est sadaqa Allahu al-azim, ou soit c'est rien du tout. Enfin, ça nous montre le danger de la bid'a. La bid'a, lorsqu'elle est à l'appareil, c'est une sunna qui disparaît. Enfin, ça c'est la sunna. Lorsqu'on finit de lire le Coran, on lit un passage, on dit cette dua là: Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nasallahu azza wa jal an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na.